Le lendemain, à 9 heures, Hulot parla d'aller au ministère. Crevel avait affaire à la campagne. Ils sortirent ensemble et Crevel tendit la main au baron en lui disant « Sans rancune, n'est-ce pas ? Car nous ne pensons plus ni l'un ni l'autre à Madame Marneffe. » « Oui, c'est bien fini, » répondit Hulot en exprimant une sorte d'horreur. À 10h30, Crevel grimpait 4 à 4 l'escalier de Madame Marneffe. Il trouva l'infâme créature, l'adorable enchanteresse, dans le déshabillé le plus coquet du monde, mangeant un joli petit déjeuner fin en compagnie du baron Henri Montes de Monterranos et de Lisbeth. Malgré le coup que lui porta la vue du Brésilien, Crevel pria Madame Marneffe de lui donner 2 minutes d'audience. Valérie passa dans le salon avec Crevel. « Valérie, mon ange !» dit l'amoureux Crevel. « Monsieur Marneffe n'a pas longtemps à vivre. Si tu veux m'être fidèle, à sa mort, nous nous marierons. Songe-y, je t'ai débarrassé de Hulot. Ainsi, vois si ce Brésilien peut valoir un maire de Paris, un homme qui, pour toi, voudra parvenir aux plus hautes dignités et qui, déjà, possède 80 et quelques 1000 livres de rente. » « On y songera, » dit-elle. « Je serai rue du Dauphin à 2 heures et nous en causerons. Mais soyez sage et n'oubliez pas le transfert que vous m'avez promis hier. »